vrai que ça peut être. Pouvoir, ça se mérite. Ça se mérite comme une grosse derme. Une grosse derme au huc. Comme je disais, il y a toujours une impertinence dans le regard. Comme je vous disais, donc vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, et c'est actuellement l'émission Nuisance qui prend son part. Donc après les problèmes chaotiques et aléatoires de l'émission précédente avec un câble, je ne m'octroie pas donc le droit de critiquer le manque d'organisation de certains compères de cette radio associative libre. Donc je ne pense pas qu'il y ait besoin de critiquer ni besoin de se foutre de la gueule des gens qui sont aimablement bénévoles ou tout du moins cotisent aimablement pour faire vivre donc ce lieu et ces ondes. C'est donc l'émission Nuisance. Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Bienvenue avec nous. Vous pouvez toujours quitter les lieux en parution, immédiatement, déambulatoire. Excusez-moi, j'ai pas pu m'empêcher. le 9 décembre 2011, pour que tous les gens s'en souviennent bien. C'est le 9 décembre 2011, il est 21h15. Vous êtes à l'écoute de Canal Sud, l'émission et la radio. Ça n'importe où, on ne trouve ça que dans un seul dans un seul lieu, si j'ose dire, et c'est celui-ci. Thank you. L'émission Nuisance, c'est donc une émission qui nuit au sens. Dans tous les sens du terme. qui va pas là, il y a un problème, j'arrive pas à régler le son comme il faut quoi. Ah, vous allez devoir soutenir un imperturbable accord de merde. Putain, fait chier quoi. Ah merde, putain. Pardon, excusez-moi. Thank you. Thank you. Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est actuellement l'émission Nuisance qui a débuté il y a quelque temps et qui continue donc dans sa ferveur toujours nomenclaturée. Donc on ne veut pas oublier quoi. On ne veut pas oublier plus jamais ça et tous ces trucs là. On ne veut pas l'oublier. Et donc nous, ce qu'on a quelque chose à dire, et ben c'est quelque chose qu'on a à dire. T'as vu? Ouais. J'étais parti pour partir. J'étais parti pour partir. Oui, et donc partons donc. J'étais parti, hein, j'étais parti, ouais. J'étais parti pour partir. Ouais, et donc. T'as vu ? C'est là. C'est là qu'il y a quelque chose. J'étais parti. C'est le micro qui marche pas ou quoi ? Non, il marche pas le micro. Je t'entends pas. Mais si. Les casques, il marche le micro. Les casques qui fonctionnent pas ? Ah, elles fonctionnent pas avec le casque, t'as raison. Tiens, tu m'entends là ? Ah oui, là j'entends là. Voilà. Et est-ce que je m'entends ? Tabac là-bas, tu vois, je te dis clope, c'est maintenant. Et le mec il m'écoute pas, tu vois, parce qu'il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre le mec, parce que moi je lui dis des conneries, tu vois, il s'en tape, il en a rien à battre, tu vois. Je n'ai rien à foutre, tu vois. Quand même, quoi, c'est abusé, tu vois. Je pète les plombs, tu sais, je lui dis merde quoi. T'as raison, mais lâche pas une clope, je t'ai mal parlé, alors s'il te plaît, lâche pas une clope. Elle me dit oui, tu sais. Là, je suis là, j'ai putain d'illumination de merde, tu vois. Là, je suis couvert de merde, je suis éliminé, tu vois, parce que je suis un gros merdeux, tu vois. Je m'en rends compte. Et c'est à ce moment-là que je me fous un gosse dans le cul, et je le dis, hein. Tu vois, moi, je suis quelqu'un comme ça, mais moi, je le dis, moi. Faut du souffle pour souffler. Donc sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Il faut vous rendre compte qu'il y a quand même un souci, c'est qu'on n'entend rien, quoi. C'est fini là, vous êtes tous crevés comme des merdes quoi, on fait une culotte. Hein. Allez mourir! La mourir, la mourir, la mourir. Vous êtes sur Canal Sud. Oui. Oui, c'est Canal Sud. Et c'est l'émission Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Et donc, je vous fais savoir que vous êtes sur le point de vous nuire à vous-même en écoutant une émission qui pue du cul, quoi. Et donc, l'émission Nuisance, le médium, c'est le message. Donc, le message, ça nous fait enculer, quoi. Merci donc à tous les pouvoireux de nous avoir permis de nous exprimer grâce à eux, quoi. Parce que eux et elles, c'est vraiment eux qui tiennent le monde. Et merci à eux, quoi, et elles, je veux dire. Ensuite, merci à mon papa et à ma maman de m'avoir mis au monde, car j'ai vraiment envie de me branler ce soir et j'ai envie de me faire mettre du foutre sur toute la table de mixage. Je vais mettre du foutre de gauche à droite, car le sens de lecture français, en l'occurrence, d'ici, de notre belle patrie, c'est de gauche à droite, de haut en bas. Je vais donc étaler mon foutre de haut en bas et de gauche à droite pendant le reste de l'émission, pendant que je vais vous parler de mon foutre que je serai en train d'étaler, donc de gauche à droite et de haut en bas. Voilà. Également une petite missive. Allons tous nous faire enculer au passage. Il y a pourtant une nomenclature là-dedans. C'est tant pis. On ne saura jamais ce que c'est. Il y a également une possibilité peut-être de savoir, mais non. Eh bien, nous avons tout foiré. Notre vie est vraiment abjecte, vile et misérable, comme notre entité humaine, dans ce sens que j'ai foiré, j'ai appuyé sur le bouton qu'il fallait pas, le bouton caché, le bouton qui fait larcener toute la machine. Merde. Et donc, en ce soit que sauce toujours sucé, en bite et toujours au cul, je veux dire, vous prenez les lamelles et vous les faisiez dorir au fur de la raclette, quoi, à mesure. Et donc, vous êtes bien placé pour vous enfiler une carotte ou une aubergine, et ensuite, au choix, la courgette, le concombre, tout cela, eh bien, pénètre facilement dans le sphincter, tout en vous gardant pénalement responsable de vos actes. Via la présidence donc de la République Sainte, la sacro-sainte République, nous savons que c'est maintenant et à jamais, grâce à notre bon et notre bonne, voilà, président et présidente, monsieur et madame, donc merci à vous. Merci également à tous leurs sous-fifres, leurs esclaves dorés, avec leurs parachutes. Et donc allons tous nous faire enculer, parce que finalement c'est plutôt les parachutes qui gouvernent le monde que les enculés de bâtards qui n'en ont rien à foutre de nous. Donc nous sommes des pauvres, nous sommes cons, et nous sommes là pour le prouver. J'espère que vous avez bien compris. Cette émission est dédiée à tous les pauvres cons. C'est pour vous ce soir, mourrez en paix, écoute. Espèce de pauvre con. Cassez-vous. Vous êtes sur le point de crever l'abcès. Il ne reste pourtant que peu de choses. Vous allez bientôt crever, vous le savez. Le furoncle, je veux dire. Dans votre cul. Au fond de votre trou de balle. Elle vous dit merde. Allez vous faire enculer. Mes frères et sœurs, nous sommes de la merde. Nous le savons. Peut-être que vous ne le savez pas. Vous n'êtes donc pas mes frères et sœurs. Allez vous faire enculer. Et pendant ce temps, la Terre tourne ses rondeurs atrophiées par notre mental. Qu'est-ce que peut être con alors ? Mentalisons la nomenclature dorée, toujours étiquette, abjecte. Il ne reste pourtant qu'une possibilité de s'en sortir sans triviale poursuite. Merde. nous sommes sur le point de crever. Crever comme des merdes que nous sommes de la merde comportementaliste, crevons les abcès purulents des furoncles dans nos culs, sphinctéroïdes. Et tout en présentant la chose, nous allons donc vous anticiper et vous nomenclaturer, comme je vous disais, étiqueter, emballer, c'est pesé. Une chance de s'en sortir, de nous en sortir peut-être mort, c'est en mourant, donc mourons heureux, vivons la vie jusqu'au bout de la peine, de la pénibilité et le travail, tout le monde sait que c'est ça la vie, le travail, c'est la santé, l'essentiel, c'est le travail. Que nous dormons, paisible, sur un mont de merde, comme les coqs français qui chantent les pieds dans la merde, eh bien nous sommes de la France, vous et moi, peut-être, nous en sommes, si nous l'acceptons, ce soir, oui je l'accepte, je le veux, oui, je suis marié à la France. Il nous reste pourtant une chance d'abandonner tout ça. Tuons-les tous. Tuons-les. C'est ce que nous méritons. Tuons-nous tous. Et pendant ce temps, le cirque de la foire bénigne tourne sa connerie en langueur. Fuck la connerie, fuck la longueur. Allez tous vous faire enculer, vous êtes mes frères et sœurs. Je vous laisserai pas crever comme des merdes. Ha ha ha ha ha! Comme des grosses merdes. Je vous laisserai pas crever comme des grosses merdes. Faites-moi confiance. Je vous tuerai comme de la pisse. De la pisse de merde. Et oui, la merde, ça pisse. Pas besoin de regarder M6 pour apprendre des choses. Allons tous nous faire entuber. à la fin. Entubé dans l'anus. Entubé dans l'anus fin doré. Enculé, c'est pas une insulte. Allons nous faire entuber l'anus par une banane. Une banane couverte de foutre. Moi, ce que je veux, c'est des bananes dans mon cul. Je veux des bananes de Guadeloupe, de Martinique, de Réunion, de je ne sais où. Des t-shirts personnalisés. Et des bananes plein le cul. C'est ça que je veux. Alors, tu vas me le donner, t'as compris? Please, kill me. C'est ça que je veux, je veux. Je veux que tu me donnes tout ce que je veux. T'entends? Peuple, travaille pour moi. Patatras. Je te ferai plein de cadeaux. Tu seras riche, presque comme moi. Presque. Presque également à moi. Comme nous sommes égaux, tu sais. Tu comprends? Tu comprends la vie? Mode, art, musique, restauration, ta mère. Je suis riche et toi t'es pauvre. Alors ta gueule. Tu comprends? Le fric, c'est ça la vie. C'est ça qui compte chez les humains. C'est pas l'humanité ou l'humanisme, c'est le fric. Le flouze. Le pèse. Le blé. Les patatraques. Tout se casse la gueule un jour. Ça va tous péter la gueule un jour. Et tu seras pas là pour le voir, connard. Parce que je t'aurais tué. Fils de notre mère à tous, enculé. On va tous crever un jour, enfin, putain de bordel de merde, d'enculé de riches de merde, crevons-les, ces aristocrates de chiottes, ces bourgeois et ces fils de pute, ces putes, on en a rien à foutre, c'est pas des prostituées, c'est des enculés, l'enculeurs de mouches. Et c'est nous les mouches, le seigneur des mouches, c'est qui? Qu'on bute. Un mouchoir, je suis triste, t'entends? J'ai envie de crever tout le monde. Je veux tuer le monde entier. Je veux qu'il meure, merde. 9 milliards. Merde. J'en ai trop dit sur la nature humaniste de la merde. 4 milliards 5 de gonzesses. 4 milliards 5 de cum. Et en parlant de moite-moite, tu veux bien partager ta thune avec moi, partager ta thune, tu vois, connard de riche, d'enculé de ta race de merde. Quoi? C'est quoi une Datsun? Datsun chérie. Et aller faire de la voiture. En string, Guatemala. Vous savez faire que ça. Faire de la voiture. En peau de cafard. Au lieu de niquer. Comme des bons anglais. Par le cul, je veux dire. À Belge. Ah bah les Belges. Ah bah ils sont pas Belges. Ils sont suédois. J'encule le Danemark. Ah bah les Suédois. Et le Danemark aussi. alors le mec qui me dit va te faire enculer, tu sais. Alors moi je lui dis merde, tu vois, mais ouais, d'accord. Tu me payes ? Enculeur. Enculeur, tu me payes ? Enculeur. Salut enculeur, ça va ? Bonjour monsieur enculeur. Paye-moi. Paye-moi enculeur. Que je me fasse enculer par toi. Encule-moi encore et paye-moi, paye-moi, paye-moi, paye-moi, paye-moi, paye-moi, paye-moi, paye-moi. Vite ! J'ai dit paye-moi. Vas-y patron, paye-le ! Enculeur, va ! Enculeur ! Je suis un pédé, moi, je suis enculeur, moi. C'est moi l'enculeur. C'est moi l'enculeur. Monsieur l'enculeur. Madame l'enculeuse, c'est moi. J'aime baiser les mouches. J'aime les prendre et les éclater avec ma grosse bite, toute poilue et pleine de pu. Parce que je ne me suis pas lavé, j'en ai rien à foutre, je mets du parfum, ça cache tout. C'est cash misère, t'entends ? C'est le cash sur la misère, comme un sexe, purulent d'abcès. Et d'Escar, j'ai oublié Escar aussi. Nous sommes sur Canal Sud, 92.2 FM, ou canalsud.net. C'est l'émission Nuisance, l'émission qui nuit au sens, pour vous jusqu'à 23h au moins. Nous vous remercions d'écouter une émission telle qu'elle vous abrutit et vous rend dissemblable, tous aliénés que vous êtes à vous-même, dans une société, acceptée, la normalité que vous êtes. Espèce de merde. C'est normaux, c'est tout ce que vous êtes. Vous entendez ? Normaux. C'est tout ce que vous êtes. De la normalité. T'es normal. T'entends ? T'es normal. T'inquiète pas. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer en enfer. Tout va bien se passer en enfer. Tout va bien se passer. C'est Jésus qui me l'a dit. Jésus, il m'en dit des choses, moi. fuck this shit. I don't give a fuck, man. And what the fuck is going on? But fucking anyway, I can say fuck. I'm in this country. Fuck doesn't mean shit in this country. I don't give a fuck about shit. You know what I mean? It's like shit gives a fuck. What the fuck? I don't know what shit means. This shit means fuck. That's all I know. Or maybe fuck means shit. You know? Fucking shit you. God, it's going insane. There's something happening here. I don't know what it is. Look at ce qui se passe là. On comprend rien. Vous entendez? On comprend plus rien. Ça y est, c'est Dieu qui nous parle. Oui, Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Oui, j'entends bien, oui. Je t'écoute. Dieu? Je t'écoute, Dieu. Qu'y a-t-il? Ça manque de meufs sur Terre. Et de mecs aussi. Il en faut plus. 7 milliards de plus. Oui, Dieu! Abolissez les capotes. Et tuez la race humaine aussi. D'accord, Dieu! Oui! Alléluia! Alléluia! Alléluia! Ouais, Dieu! Ouais! Ouais! Ouais! Donc, c'est ça, Canal Sud, 92.2, le match de foot à suivre. Ouais! Dieu! Il y a un Dieu dans le coin, putain, dans la lumière! Dieu dans la lucarne! La lucarne, Dieu, bordel de merde! C'est trop beau, j'ai jamais vu ça avant! C'est la première fois que je vois ça! Un dieu dans la lucarne! Merde! Shoot le dieu, connard! Shoot le dieu, connard! Tue-le vite, vite, chope-le! Chope le dieu, allez vas-y, chope dieu. Ouais, nique-le. Chope dieu, nique-le. Sale dieu, crève dieu, sale dieu, crève. Putain de bordel de merde, on comprend plus rien, ça y est, c'est l'enfer sur terre, on comprend plus rien. Excusez-moi les potes de Canal Sud, je crois que j'ai pété la machine. Ça y est, il n'y a plus rien qui marche. C'est la 10e fois que je pète la machine ce soir, j'en ai marre. Quelle machine alors? Il n'y a plus qu'à la péter maintenant. Encore une fois, on casse la machine, allez! Péter la machine, on va la casser la machine, tu vois. pardon, je suis allé aux chiottes, péter et chier, en pissant dans le bol, enfin la cuvette, je veux dire. Pendant tout ce temps, je vais vous laisser donc avec un RO au ralenti. C'est une éructance au ralenti que j'ai produite pour vous. Elle est bouclée. L'éructance, je veux dire, est bouclée, oui, tout à fait, et au ralenti. Que ce son est horrible, c'est horrible, que c'est horrible, nuisant, nuisant, nuisant, oh là là. C'est vraiment horriblement horrible. Donc, comme je vous disais, il y a comme une espèce de saturation dans mon micro, je ne comprends pas exactement pourquoi, je vais essayer de régler tout ça. Ah, ça ne marche pas de régler ainsi, je vais essayer autrement. Je ne veux pas vous dire. Vous m'entendez bien là, non? Toujours sur Canal Sud, 92.2 FM ou canalsud.net. Et c'est toujours l'émission Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Je vais à présent me moucher pour vous, chers auditoires. Me moucher dans le micro, donc je ne vais pas me servir d'un mouchoir, je vais me servir de la bonnette du micro. À présent la bonnette du micro avec ma langue. Voilà, tout est parti. Tout est comme magiquement inerte et sans vie. pas, donc toujours le but de l'émission, nous faire crever de merde et de putain de chiottes de merde enculées de race. D'espèce, je veux dire. Le résultat est donc présentable dans l'émission Nuisance. Nous avons réussi à présenter un résultat donc présentable. Je crois que les contrevenants sont venus s'absoudre de leur forfaiture, pardon. Ce soir, donc, dans l'usance, les participants donc, sont contraints de se soustraire à la forfaiture universelle en présentant donc, un produit omnibilé. Possibilité de se restructurer peut-être. Et ceci donc grâce à une structure donnée, celle d'une association Canal Sud. Tout à fait 11h, je vais patienter encore un peu avant de vous asséner de mentalisation tergiversable. Merde, j'ai encore rien compris à ce que je viens de faire, ça fait 2 heures que j'y suis, je n'ai encore rien compris, je crois que ça va s'arrêter là. bonsoir, vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est actuellement l'émission Nuisance qui touche à sa fin. Nous avons eu le plaisir de vous présenter des produits présentables pour une fois dans une émission qui l'est moins. Une émission donc de la radio qui est donc nommée Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Nuisance avec un S à la fin entre parenthèses. L'émission de toutes les nuisances, l'émission qui nuit au sens.